Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on a encore plein de bonnes choses pour vous. Marc et moi avons préparé un bon 2 heures de musique et on commence avec un groupe italien qui a pour nom Renstrain, un groupe qui s'est fait une spécialité de créer des, comme on pourrait dire, des nouvelles trames sonores de films. Et ils choisissent des films comme dans les premiers albums, il y avait Nosferatu, Shining, A Space Odyssey, et là, ils nous arrivent avec Apocalypse Now. Évidemment, c'est le film de Francis Ford Coppola, le classique de 1979. On aura aussi Sen Project, ça c'est allemand, c'est le projet de Chris Engels. C'est le second extrait qu'on vous présente de cet album qui a pour titre C4. Et après ça, on fait un petit détour du côté de la Norvège. Oui, avec la formation Caligonaut, c'est le projet de Michael Bjørndal. Et c'est sa nouvelle pièce Because We Are Not Apart qui est parue au mois de mai. Et ce sera suivi des Pays-Bas de Dimitri Toonen, tiré de son second album Sounds of Emotions, paru en avril, et la pièce Elusive Facts. Mais on débute tout d'abord avec la nouveauté de Renstrain. E brodo orgoglio e fumo di spirito su

the light fails as the lights flicker, alone you start to slide away with no one near and mist growing thicker. You've drawn a blank to the light of day. Secret everywhere you turn. Are we now apart, or can we end this drift? Unveil and leave the evening shadows and the tricks they play on you. Until night's curtain has been

Yeah. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation italienne Osana, qui ont collaboré avec David Jackson de Vandergraaf Generator pour le Prog Family 2009. Alors on aura de cet album trois pièces qui s'enchaînent, In un vecchio cerco, Vado verso una meta et Solo Uniti. Et juste avant, on aura un extrait de l'album concept Stories of H.P. Lovecraft paru en 2012. Et ce sera une pièce de Simon Says, une formation de la Suède, avec la pièce de Waiting Wall. Mais tout d'abord, Michel, une formation italienne qui a débuté dans les années 70, mais qui n'a présenté des albums que dans les années 2000. Oui, et c'est pas un cas isolé. Lorsqu'on regarde un peu là, l'histoire du prog italien, il y a plusieurs formations qui ont été actives dans les années 70 sans jamais en disquer. On a juste à penser là, à Il Castello di Atlante, par exemple. Eh bien, là, on parle de Sessione Fremente, un groupe qui a été formé en 1974 et puis qui œuvrait sous le nom de Nuove Dimensioni. Et le groupe s'est séparé et puis reformé en 2006 et c'est là que les albums ont commencé à apparaître. On pense au premier Metafora di un Viaggio qui est paru en 2014 et dans le cas qui nous intéresse ce soir, ben, c'est Nuove Dimensioni, du nom de l'ancien groupe. Deuxième album paru en 2019 et on va écouter la pièce E nata una stella giostra a catena. Thank you.

Thank you. già ricordano il mai di una risposta evasiva. Quando chiedevo il perché della vita a chi poteva dar niente, ma in un vecchio cieco che mi chiede l'ombra di una vera carità, crolla tutto quello che mi dà la società. Vive il cuore nella vita morta nello sguardo che mi lascerà solo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lascio cadere la pioggia su me, mi bagna ma so che non c'è. Nulla rimane di ciò che era ieri, oggi, domani rivivo. Forse cercherò qualcuno, forse niente cerco, questo non lo so. Resterò da solo, fermerò ricordo ma troverò qualcosa dove non lo so, ma indietro non ritornerò mai. Thank you. King, le pattugliere, i maghi, tarocchi e strane filosofie, correre dietro i sogni, volare in alto, che senso ha? Un'evasione umana ma che allontana dalla realtà. I tuoi sospetti, la tua violenza, l'idea che hai, solo la tua ricchezza e non disperdere quel che fai. Non rimanere solo, non vestirti d'umanità, c'è sempre lì qualcuno che può comprare la tua realtà. Non restare qui da solo, non è l'ora del tuo volo. Solo uniti si può dare dimensione alla realtà. Solo uniti si può dare. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation du Royaume-Uni Galahad, qui est actif depuis 1985. Ils ont maintenant 14 albums à leur actif. Alors, ce qu'on entendra ce soir, c'est la pièce Empires Never Last, la pièce titre de leur album paru en 2007. C'était leur 8e en carrière. Et juste avant, Michel, une formation suédoise qui en a surpris plus d'un avec leur album paru en 2018. Oui, tout à fait. C'est All Traps on Earth. Une formation mise sur pied par trois membres de la légendaire formation suédoise Anglagard, Johan Brand, Erik Hammarström et Thomas Johnson. Et dans le cas de Johan Brand, ben, il y a aussi sa fille au chant, Miranda Brand. Et toute une surprise, effectivement. Un disque qui a été quand même mené de longue haleine. Je pense que ça a pris pas loin de 5 ans à concocter ce disque. Et on écoute de cet album qui a pour titre A Drop of Light, la pièce Magmatic Warning. Thank you. Thank you. comme Marc le disait tantôt, ce soir, on vous laisse avec Galahad, la formation britannique Galahad, qui incidemment nous a visité à deux reprises, c'est-à-dire en 2008 et en 2010. Je pense qu'on serait comme dû pour un petit rappel. Ça fait déjà 12 ans. Et c'est un extrait de l'album Empire Never Last. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Et je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Something goes horribly wrong. Her in- There should be